Marcel ne sait pas lire. Aussi, c'est son grand-père qui lui explique ce qui est écrit dans le journal. Avant, c'était sa mère. Mais, depuis ces deux dernières années, elle est partie travailler à l'usine d'armement, avec sa grand-mère. Mais Marcel pourra bientôt le lire seul. Maintenant, elle va à l'école, et elle apprend l'alphabet. Si la fillette tient tant à lire les quotidiens, c'est parce qu'elle y donne des nouvelles du front. Chaque jour, on y rapporte les différents mouvements des troupes françaises, les victoires et les défaites, le nombre de morts, très peu, et les différents conflits engagés aux quatre coins du monde. Marcel espère un jour voir le nom de son père cité comme un grand héros de guerre. Elle s'assure également qu'on n'y annonce pas son décès. Dans sa lettre, son père décrivait son départ pour la petite ville de Verdun. Village pittoresque, niché à côté d'un fort, le fort de Douaumont. Là-bas, selon lui, les Allemands et les Français s'y affrontent dans une bataille qui, si elle ne devait durer que quelques semaines, se prolonge et dure maintenant des mois entiers. Des mois entiers où des millions de soldats connurent la mort, où des milliards d'obus furent tirés dans le seul but de détruire toute forme de vie. Des jours et des jours de misère, à dormir dans la boue, entouré de rats, de maladies, torturé par la faim, la soif et le froid. Des heures et des heures où seuls les plus valeureux survécurent à la folie de la guerre. Mais cela, Marcel l'ignore. Elle croit en revanche, parce qu'elle l'a entendu de la voix bourrue et rauque de son grand-père, quand il lui a lu le journal du matin, que les munitions allemandes ne sont pas dangereuses pour les soldats français, aussi inoffensives que des mouches. Elle est rassurée, car son père n'a pas peur des insectes.